Oshokun était belle, d'une beauté si évidente, si lumineuse, que les autres femmes s'éteignaient en sa présence, comme la lumière des lanternes à la clarté du matin. Elle se présenta devant les peintres quand vint son tour, sans apprêt, sans bijoux, le visage nu, et ne chercha pas à les séduire. Les peintres, vexés de son indifférence, lui ajoutèrent quelques traits grossiers qui déparaient malignement ce merveilleux visage. L'empereur reçut les portraits. Ils se ressemblaient tous, sauf un, singulièrement nu et sans apprêt. Il désigna Oshokun et fit part de son choix aux émissaires étrangers. Il ordonna que l'on signifie à son cadeau qu'elle se tint prête à partir en pays barbare. Mais le soir, avant de s'endormir, il revit ce visage étrange et une hésitation le prit. Il résolut de n'y plus penser. « Il faut bien que je fasse un présent au roi barbare, se dit-il, et puisque je dois sacrifier l'une de mes femmes, autant choisir la moins parée, la plus insensible aux grâces de cour. » Le lendemain, cependant, au milieu de la matinée, il ordonna brusquement à son grand chambellan d'aller chercher Oshokun, qu'il n'avait jamais vue, et dont il voulait faire la connaissance avant de la remettre à l'ambassade des Huns. Alors, Oshokun pénétra dans la salle du trône. Et ce fut comme une caresse de printemps. Un cerisier en fleurs qui apparut à ses yeux éblouis. Oshokun se tenait droite, fière et belle, d'une beauté inouïe qui transperça son cœur. Elle gardait les yeux baissés, sans parler, et il l'aima. Quand Oshokun osa regarder à son tour le jeune empereur pétrifié sur son trône, son cœur de jeune vierge farouche faiblit aussi et connut l'amour. L'empereur avait donné sa parole, annoncer son choix aux dignitaires de la cour. Les émissaires étrangers allaient regagner leur pays. Le destin était fixé. Ainsi vécurent, dans la mélancolie, le reste de leur jour. Oshokun, la tant si belle, et son empereur bien-aimé. Ainsi a-t-il été rapporté des choses du passé.